Today is the 23rd of July, 2011. Today, we will talk more about the positive controlling factors in Vipassana meditation. Vipassana meditation can be seen as a process of developing certain positive mental factors until they are powerful enough to dominate the state of the mind continuously. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juin 2011. Nous parlerons des facultés de contrôle, des facteurs qui vont se manifester au cours de la pratique de Vipassana. Ce sont des facteurs positifs. On peut voir la méditation Vipassana comme le développement progressif de certains facteurs mentaux positifs qui vont devenir puissants jusqu'à s'installer de façon permanente dans l'esprit. Hier, nous avons parlé des facteurs négatifs, les Nivarana. Les facteurs négatifs, si vous vous souvenez bien, sont l'agitation, le remords, le doute, l'inquiétude, etc. Les yogis qui débutent dans la pratique se verront très souvent envahis par ces facteurs négatifs. Mais ils peuvent en fait se manifester à n'importe quel moment au cours de la méditation. La retraite se poursuit donc et aujourd'hui nous allons parler des facteurs positifs qu'on appelle les facultés de contrôle. Il y en a 5 au total. La foi, l'effort ou énergie, l'attention, la concentration et la sagesse. Dans le contexte d'une retraite intensive, la pratique va développer petit à petit une très forte confiance, un puissant effort, une concentration profonde, une attention pénétrante et également le développement d'une réalisation vipassana très profonde. Ce dernier facteur, la sagesse intuitive ou panya, est le facteur mental qui va permettre de découvrir la vérité à propos de l'existence. Elle va nous libérer de l'ignorance et de tous ses résultats, la souffrance, l'illusion et toutes les formes de mécontentement. Pour que tout cela puisse se produire, il faut cependant que des conditions soient remplies. Il y a 9 conditions, 9 causes qui vont permettre le développement des facultés de contrôle. On va les énumérer ici et on en discutera en détail plus tard. La première cause pour le développement des facultés de contrôle, c'est le fait de diriger son attention vers l'impermanence de tous les objets de la conscience. La seconde cause ou condition, c'est une attitude respectueuse par rapport à la pratique de la méditation. La troisième cause, c'est le fait de maintenir la continuité de l'attention. La quatrième cause, c'est de s'assurer de la présence des conditions favorables. La cinquième, c'est la capacité à se souvenir des circonstances dans lesquelles on se trouvait lorsque la méditation était particulièrement bonne dans le passé, de façon à pouvoir recréer ces conditions, surtout s'il y a des difficultés. La sixième, c'est le fait de cultiver les qualités mentales qui vont permettre d'atteindre l'illumination. La septième, c'est la détermination à travailler de façon intensive au cours de la pratique. La huitième, c'est la patience et la persévérance face aux sensations désagréables et autres obstacles. La neuvième et dernière cause pour le développement des facultés de contrôle, c'est la détermination à poursuivre la pratique jusqu'à ce qu'on ait atteint le but, c'est-à-dire la libération. Le yogi pourra aller très loin dans sa pratique s'il remplit ne fût-ce que les 3 premières causes pour développer les facultés de contrôle. Autrement dit, l'esprit de ce yogi sera dominée par la foi, l'énergie, l'attention, la concentration et la sagesse s'il réussit à prendre conscience, à noter toutes les apparitions et disparitions des phénomènes physiques et mentaux de façon précise, respectueuse et continue. Il va ainsi pouvoir éliminer de son esprit les obstacles à la méditation. Les facultés de contrôle vont avoir pour effet que son esprit va devenir calme et clair, libre de toutes sortes d'impuretés. Si vous êtes un tel yogi, vous allez expérimenter une tranquillité que vous n'avez encore jamais connue précédemment. Vous serez émerveillé, impressionné. Formidable, vous direz-vous, c'est vraiment vrai. Tous les professeurs parlent de la paix et du calme, et voilà que je l'ai expérimenté par moi-même. On dit alors que la foi, la première des facultés de contrôle, a surgi, et c'est une foi qui s'enracine dans l'expérience directe. Cette foi toute particulière est appelée la foi vérifiée préliminaire. C'est votre propre expérience qui l'a fait surgir et elle vous convainc de l'efficacité de la méthode. Vous vous dites que le Dhamma est vraiment vrai. Si la foi se développe, vous aurez un regain d'énergie, une nouvelle inspiration. Si l'énergie est présente, l'effort suit. Vous vous direz, ce n'est qu'un début. Si je travaille encore plus fort, j'aurai d'autres expériences encore meilleures que celles-ci. Un regain d'effort va avoir pour résultat que l'esprit va chaque fois atteindre la cible. Et ceci va se produire à chaque instant. Ainsi, l'attention se consolide et s'approfondit. L'attention a le mystérieux pouvoir d'induire la concentration, la fixité de l'esprit. Lorsque l'attention pénètre profondément dans l'objet d'observation, à chaque instant, l'esprit acquiert la capacité à se maintenir stable sur cet objet, à ne plus être distrait. Il se plaît dans l'objet. La concentration va alors s'établir fermement. Elle va devenir puissante. En général, plus l'attention se renforce, plus la concentration s'approfondit. Vous avez donc pour le moment la foi, l'effort, l'attention et la concentration, les quatre premières facultés de contrôle. La sagesse, la cinquième, ne demande pas à être introduite. Si les quatre premiers facteurs sont présents, la sagesse suit automatiquement. Le yogi commence à voir très clairement, intuitivement, les phénomènes physiques et mentaux comme étant des entités séparées l'une de l'autre. Il commence à comprendre comment l'esprit et la matière sont en interrelation, comment ces choses sont reliées par un lien de causalité. Et chaque fois que la sagesse se manifeste, la confiance vérifiée se renforce. Et un yogi qui réussit à voir les apparitions et disparitions qui se produisent à chaque instant, comblé. C'est formidable, se dit-il. Il n'y a que des phénomènes qui se succèdent d'instant en instant et personne à l'intérieur. Cette découverte amène un grand réconfort et un grand soulagement dans l'esprit. Les réalisations qui vont suivre, réalisations qui portent sur l'impermanence, la souffrance et l'absence d'une entité permanente, ont la forte capacité à stimuler la foi. Elles nous remplissent de la conviction que le Dhamma qu'on nous a enseigné est authentique. La pratique de la méditation vipassana peut être comparée à l'affûtage d'un couteau sur une pierre à aiguiser. Si on veut aiguiser un couteau à l'aide d'une pierre, il faudra tenir la lame au bon angle, ni trop haut, ni trop bas, et appliquer une pression correcte. Il faudra ensuite bouger le couteau de façon constante contre la pierre. Il faudra le faire sans interruption jusqu'à ce que le premier couteau de la lame soit aiguisé. On passe ensuite à l'autre côté de la lame. On applique la même pression et au même angle. C'est une image des écritures bouddhistes. La précision d'angle est comparée au fait d'être très précis dans la méditation. La pression et le mouvement sont comparés à la continuité de l'attention. S'il y a précision et continuité au cours de la pratique, vous pouvez être sûr que vous allez très rapidement développer un esprit très aiguisé, capable de dévoiler la vérité à propos de l'existence. La première cause pour le renforcement des facultés de contrôle, c'est de tout observer avec l'intention délibérée de voir que tout ce qui apparaît doit forcément disparaître. Au cours de la méditation, on observe les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent aussi portes sensorielles. Il faut faire cela et observer tous ces processus avec l'intention délibérée de voir que tout ce qui apparaît va forcément disparaître. Comme vous le savez certainement, ceci ne pourra se faire que dans la pratique elle-même, de façon concrète. Il est très important d'adopter cette attitude lorsqu'on pratique la méditation. Il faut accepter au préalable que les choses sont impermanentes et transitoires. Ceci va permettre d'éviter certaines réactions, parfois pénibles, qui pourraient se produire lorsque le méditant va expérimenter tout cela directement par lui-même. S'il n'a pas accepté au préalable cette évidence, un étudiant pourrait continuer à penser le contraire, penser que les choses sont permanentes, que tout dans le monde dure, et cette croyance va bloquer le développement de sa sagesse. Au début, vous allez sans doute accepter l'impermanence, mais ce sera une connaissance théorique. Plus votre pratique va se développer, plus la foi en cette impermanence va devenir une foi vérifiée par expérience directe. Le deuxième facteur de renforcement des facultés de contrôle consiste à pratiquer de façon respectueuse et précise. Il est très important de traiter la pratique avec beaucoup de respect et de précision. Pour développer cette attitude, il peut être utile de réfléchir aux bénéfices que vous êtes susceptible d'obtenir. Si on pratique correctement, l'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention à l'esprit et l'attention aux objets mentaux mène à la purification de l'esprit, à la victoire sur le chagrin et les lamentations, à la destruction complète de la souffrance physique et de la souffrance mentale, à l'atteinte de Nibbana. Le Bouddha a appelé cette pratique la méditation Satipatthana, ce qui veut dire la méditation sur les quatre établissements de l'attention. Elle est sans prix. Si vous vous souvenez de ses bénéfices, vous serez sans doute inspiré et voudrez travailler de façon très précise et attentive. Vous voudrez noter tous les objets qui se manifestent aussi portes sensorielles. Pendant une retraite de méditation, vous devrez également essayer de ralentir tous vos mouvements, comprenant que votre attention est encore très immature. Le fait de ralentir les mouvements donne une chance à l'attention de se maintenir à chaque instant sur les différents mouvements du corps et de les noter en détail. Dans les Écritures, on illustre cette qualité d'attention et de précision par l'image d'une personne qui devrait traverser une rivière sur une étroite passerelle. Il n'y a pas de corde et l'eau bouillonne en dessous. Visiblement, cette personne ne peut pas courir. Elle ne peut pas se précipiter sur la passerelle. Il doit y aller pas à pas avec beaucoup d'attention. On compare également le méditant à une personne qui devrait transporter un bol d'huile plein à ras-bord. Vous pouvez imaginer le degré d'attention qui est nécessaire pour qu'aucune goutte n'en tombe. C'est le même degré d'attention que vous devrez développer dans votre pratique. Ce second exemple a été donné par le Bouddha lui-même. Il semblerait qu'il y avait un groupe de moines qui pratiquaient dans la forêt, mais visiblement, ils étaient négligents. À la fin de la méditation, ils se levaient de façon abrupte et sans attention. Ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre, insouciants. Ils regardaient les oiseaux dans les arbres, les nuages dans le ciel, ne pratiquaient donc absolument pas le contrôle des sens. Évidemment, il ne progressait pas. Lorsque le Bouddha apprit ceci, il put voir que c'était dû au fait que les moines ne faisaient pas preuve de respect dans leur pratique et ils ne respectaient pas la méditation. Le Bouddha les approcha donc et leur parla de cette histoire de l'homme qui transporte son bol d'huile. Les moines furent inspirés par le sermon du Bouddha, le Sutta du Bouddha, et décidèrent de se montrer très précis et attentifs. En conséquence, ils atteignirent très rapidement l'illumination. Et vous pourrez vérifier cela par expérience directe au cours de cette retraite. Si vous ralentissez vos mouvements, que vous vous déplacez de façon lente et composée, vous serez capable de produire une qualité d'observation respectueuse. Vous noterez toutes vos expériences de façon très respectueuse. Plus vous ralentissez votre allure, plus vous progressez dans la méditation. Bien sûr, dans la société, il faudra s'adapter aux situations. Parfois, il faut être rapide. Si vous traversez une autoroute à l'allure d'un escargot, il est bien possible que vous finissiez mort ou en prison. Par contre, à l'hôpital, c'est le contraire. Les patients doivent être traités avec beaucoup de douceur. Il faut leur permettre de se déplacer très lentement. Si les médecins et les infirmiers les pressaient, de façon à pouvoir terminer leur travail plus rapidement, les patients souffriraient et se retrouverait peut-être dans la chambre mortuaire. Les yogis devront donc être attentifs à la situation. Ils doivent savoir ce qu'ils font et où ils sont et s'adapter. En retraite ou dans n'importe quelle autre situation, il est parfois bon de considérer la situation et de se déplacer à allure normale si d'autres sont occupé à attendre derrière vous. Mais il faut cependant garder en mémoire que le but principal ici, c'est de développer l'attention. Donc, lorsque vous êtes tout seul, c'est un bon moment pour ralentir vos mouvements. Vous pouvez, par exemple, manger très lentement. Vous pouvez vous laver le visage, vous brosser les dents, vous doucher avec beaucoup d'attention. Tant qu'il n'y a pas une longue file de personnes qui attendent derrière vous. Maintenir la continuité de l'attention est le troisième facteur qui va permettre de développer les facultés de contrôle. Il faut essayer d'être toujours dans l'instant présent, moment après moment, sans interruption. De cette façon, nous pourrons établir une forte attention. Et nous pourrons continuer à la développer. Le fait d'être toujours attentif empêche les kilesas, des qualités négatives et pénibles comme l'avidité, la colère et l'ignorance, Donc, le fait d'être attentif empêche ce qu'il est ça d'infiltrer l'esprit et de le distraire. Il est certain que les kilesas ne peuvent pas pénétrer l'esprit lorsque l'attention, la forte attention est présente. Un esprit libre des kilesas est un esprit léger, heureux. May you all utilize continuity, respect and care in all your daily meditation practice. And progress where? Sadhu, sadhu, sadhu. Puissiez-vous tous pratiquer et arriver à la continuité de l'attention, puissiez-vous tous développer une pratique respectueuse et précise tout au long de la journée, et de ce fait, progresser rapidement. Sadhu, sadhu.